Et je lui ai te plus mon cœur battra, et l'amour est des longues à venir, et comme je veux une croix épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais pas le courage de mourir seule.